Tiens, vous avez sorti le vitriol? Pourquoi vous dites ça? Il y a pourtant l'air honnête. Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires. Allez! C'est du brutal. Vous avez raison. Il est curieux, hein? J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennois, pas tellement loin de Saigon. Les volets rouges et la tôlière, une blonde comac. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu? Lulu la Nantaise. T'as connu? J'ai trouvé un goût de pomme. Il y en a.